de ses nouvelles volées des heures pour lui dire mais je t'aime. Caler mon cœur contre son arc-en-ciel, voir ses couleurs comme l'eau de sa fontaine. Trouver les mots, pêcher les plus beaux et lui remplir son épuisette. Cueillir le chaud sous mon manteau et lui donner en cachette. Garder en cage ses rêves de passage, ouvrir mes ailes et la conduire sous mon ombrelle. Dans la ruelle près de chez moi, prendre sa main et galoper sur le destin. Trouver les mots, coller les morceaux et lui adresser ma jolie lettre. Cueillir le chaud sous mon manteau et lui donner en cachette. En cachette.